بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله عز وجل كي نوزا comblé de cette rencontre pour se rappeler mutuellement ce qui va nous être bénéfique dans ce bas monde et dans le delà. En cette fin de journée du 1er Sha'ban 1441, qui correspond 25 mars 2020, je débute cette assise par les recommandations de notre noble cheikh, l'érudit Ubayd al-Jabiri, qu'Allah allonge sa vie dans son obéissance. Ces recommandations qu'il m'a dictées après le Asr du mardi 29 Rajab 1441, qui correspond au 24 mars 2020, notre frère Saad, Abu Abdurrahman, l'a déjà traduit qu'Allah le récompense. C'est l'un de nos frères qui était à Laval avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé d'être installé à Médine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, ainsi que sa famille, qu'il le préserve. Notre frère fait partie de nos frères qui interviennent sur la radio Milat, l'Anbiya. Donc ma question, la question que j'ai posée à Cheikh Ubayd Habidahullah concernant l'épidémie. Et comme vous le savez, noble Cheikh, vu l'épreuve que subit l'humanité par cette épidémie et que tout le monde doit être confiné chez soi, certains de nos frères se croient en vacances et se baladent par-ci et par-là sans prêter attention à la situation. Ils ne respectent pas les directives de confinement, et d'autres tellement terrifiés et désespérés par le biais de l'intoxication par les informations concernant ce virus. Quelles recommandations vous nous donnez à ce niveau, qu'Allah vous comble de son bien? Il a dit, Hafidhahullah ta'ala, notre cher Hafidhahullah, après avoir loué Allah azza wa jalla et fait la prière sur le messager alayhi salatu wassalam, a dit que cette épidémie est un soldat parmi les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a fait subir à qui il veut, et il en préserve qui il veut subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça il est indispensable de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever cette épidémie et de lui demander de dissiper cette épreuve et cette peine par laquelle sont touchés les musulmans en particulier et l'humanité en général dans tous les pays. Il est obligatoire de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui a des péchés, nous lui recommandons de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ceci a été rapporté par Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir du serviteur tant que son âme n'est pas arrivée à la gorge. Et il a expliqué ce que c'est que le gharghara. Le gharghara, comme l'a expliqué notre noble cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, c'est lorsque l'âme remonte à la gorge et que la personne voit l'ange de la mort. À ce moment-là, il n'y a plus de repentir. C'est pour ça, il dit, Hafidhahullah, c'est pour ça que j'enjoins à tous les musulmans, et aux gens de la sunna en particulier, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, avant que les âmes ne remontent aux gorges. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dicté par Ubayd ibn Abdillah ibn Sulayman al-Hamdani al-Jabiri, de Médine après le Asr du 29 Rajab 1441. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde notre noble cheikh et qu'il allonge sa vie dans son obéissance. Et il est dit dans ce verset, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et puis frère en Allah azza wa jal, je vous cite ce verset hein, où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, il se peut que vous ayez l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Subhanallah al-Azim. Regardez, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, avec cette pression qui assure les musulmans en Occident, etc. La gloire est à Allah, subhanahu wa ta'ala. On voit ces jours-ci apparaître des articles des ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui témoigne la véracité des paroles de Mohammed alayhi salam et qui témoigne comme quoi ce messager alayhi salam a annoncé aux gens comment faire pour que hein, contre les pandémies. Déjà il y a plus de 14 siècles, et ces témoignages des ennemis d'Allah azza wa jal, en Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman n'en a pas besoin, mais c'est quelque chose qui renforce encore la certitude et la véracité de la certitude sur la véracité de notre messager alayhi salam. Et comme il a été dit, وَالْحَقُّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ, et la vérité c'est celle qui est témoignée par les ennemis. Ils sont tes ennemis, ils témoignent de la vérité que tu as. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance de notre religion. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous, hein, fasse que nous prenions conscience de ce trésor avec lequel il nous a comblés. Et cette miséricorde avec laquelle il nous a comblés. D'avoir fait de nous, hein, que nous soyons des soumis à lui, que nous soyons des musulmans, que nous soyons des disciples de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ceci, ce n'est pas par notre intelligence, ni par notre force, ni par nos moyens, mais ceci, c'est un bienfait d'Allah avec lequel il comble qui il veut. À la lumière de ce verset, nous comprenons le bien du fait de ce confinement. Et ce verset nous donne plus de clarté sur les recommandations du Cheikh Obeid qui nous a recommandé le repentir. Hein, qui a recommandé le repentir à tout un chacun parmi nous qui a commis des péchés tant qu'il est temps. Louange à Allah pour ce confinement, pour faire, qui est un moyen pour faire le checking sur notre passé. Et comme il a dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu arda, zinu a'malakum qabla an tuzana lakum wa zinu anfusakum qabla an tuzanu wa tazayyanu li yawm al'ard 'ala Allah. Et comme il a dit son noble compagnon ridwanullah alayhim, celui qui est le deuxième homme de cette communauté après Abu Bakr ridwanullah alayhim ajma'in, il a dit: pesez-vous avant qu'on vous pèse. Et pesez vos œuvres avant qu'on vous les pèse, et embellissez-vous pour le jour où vous allez être exposé devant Allah Azza wa Jal, où vous allez vous trouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons faire le checking avec nous-mêmes et voir où nous en sommes. Qala Azza wa Jal, yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset concernant ce jour vous serez exposé, rien de vous ne sera caché. Nous devons, frères en Allah Azza wa Jal, et sœurs en Allah Azza wa Jal, faire un butin de ce confinement et remplir son temps par tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et fait partie de cela le fait d'apprendre et de comprendre la religion d'Allah Azza wa Jal, d'apprendre et de comprendre ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous allons essayer de faire bi'idnillahi azza wa jal à travers ces assises intitulées Louange à Allah, Louange à Allah pour la miséricorde du confinement. En commençant dans cette assise par le fiqh des mérites du jeûne du mois de Sha'ban. Et au début de chaque assise, Inch'Allah, je ferai un rappel sur un point important dans notre religion qui nous aidera à traverser cette période difficile, Inch'Allah, avec l'ordre d'Allah, Azza wa Jal. Et ce soir, ce rappel, avant de commencer le sujet, concernera la compréhension de la religion. Et toutes les assises, frère en Allah, Azza wa Jal, auxquelles vous allez assister, ne sont qu'une compilation, une adaptation de paroles d'hommes de science et de paroles de demandeurs de science. Ceci pour mettre en application tout simplement le verset qui dit « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » Il rappelle, car le rappel fait du bien aux croyants. Dans les authentiques, chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, selon Muawiya, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi d-din » Celui à qui Allah veut le bien, il lui donne la compréhension de la religion. En cette période de confinement, nous devons méditer ce noble hadith de notre messager alayhi salatu wassalam, dans lequel il y a l'incitation à l'apprentissage et à la compréhension de la religion. Et c'est la voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits et à qui il a donné la réussite. On demande dans chacune de nos prières, guide-nous sur la voie droite, la voie de ce que tu as comblé de tes bienfaits. C'est-à-dire, ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. La voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, c'est la voie de la science et de la mise en application. Ils étaient des gens qui ont appris la religion, qui la mettaient en application. Et en même temps, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas être dans la voie de ceux qui ont cours sa colère et les égarés. C'est-à-dire ceux qui connaissent, qui ont appris, qui ont la vérité, qui ne la mettent pas en application. Et de l'autre côté, les égarés qui agissent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ce noble hadith, frère Allah subhanahu wa ta'ala et sœur Allah subhanahu wa ta'ala, nous clarifie sur l'importance de la compréhension de la religion. Et sur le fait d'apprendre la religion d'Allah. Et que le fait d'apprendre la religion d'Allah, Azza wa Jal, et de la comprendre est un des grands moyens pour se rappeler d'Allah. Et on apprend pour comprendre et mettre en application, et puis pour avertir et faire comprendre aux autres ce qu'on a appris et ce qu'on a mis en application. En commençant par les plus proches, nos familles, et on évolue dans les avertissements et dans les conseils, etc. Ce hadith nous éclaire sur l'importance de comprendre la religion, car la science n'est pas tout simplement la mémorisation. La mémorisation est très importante, il n'est pas à négliger. Mémoriser le Coran, la Sunna, mais il est important de les comprendre. Important de les mettre en application, c'est pour ça qu'ils sont descendus, pour la compréhension et la mise en application. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset, « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, « Ne méditent-ils pas le Coran, ou alors leurs cœurs sont cadenassés ?» Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des cœurs cadenassés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le cœur ne soit pas cadenassé et ne soit pas fermé à la vérité. Qala azza wa jal, kitabun قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Donc dans cette traduction approximative du deuxième verset, il est dit, c'est un livre que nous avons descendu, s'adressant à Mohammed alayhi salam, c'est un livre que nous t'avons descendu. Dans ce livre, il y a un grand bien, il y a beaucoup de bien, beaucoup de bénédictions, pour qu'il médite ces versets, et pour qu'il se rappelle, hein, pour qu'il médite sur ces versets, et se rappellera ceux qui sont doués de raison, ceux qui sont doués de raison saine et d'une intelligence saine. Donc frère en Allah Azza wa Jal, la compréhension est demandée, et aura la réussite celui à qu'Allah, à qui Allah l'a donné. Et les gens ne sont pas au même niveau, au niveau de leur intelligence, au niveau de leur compréhension en général. Il en est de même au niveau de la compréhension de la religion. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est un bienfait avec lequel l'intelligence, la compréhension, c'est un bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il comble les gens. Et chacun, il l'a comblé avec ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Ce hadith nous enseigne l'importance de chercher la compréhension des hadiths du prophète alayhi wa sallam et de comprendre leur sens et de comprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut la mise en application. Il faut que ce soit une compréhension qui motive les œuvres. Une compréhension et un apprentissage qui motive l'obéissance à Allah et qui motive la da'wa vers Allah Azza wa Jal et la mise en application de ses directives. Qala Azza wa Jal, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. La traduction approximative du sens de ces versets, c'est quelques-uns de chaque clan partaient s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple. Tu remarqueras ici, frère en Allah Azza wa Jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le terme an-nafir, nafara, qui veut dire, qui s'utilise pour le combat sur la santé d'Allah Azza wa Jal. Donc cela nous fait comprendre, comme disent les hommes de science, que le fait d'aller chercher la science, c'est une forme de combat. Et il y a besoin de combattre son nefs, hein, et de s'atteler et d'être constant à l'apprentissage. Et dans le verset, subhanahu wa ta'ala, il a lié entre la compréhension de la religion et l'avertissement. Ils vont apprendre leur religion, la comprendre, ils reviennent, ils avertissent les leurs. Il a fait la liaison entre les deux, subhanahu wa ta'ala. Donc, la personne doit apprendre, comprendre, mettre en application et avertir. Et c'est ça la voie de l'évolution dans l'apprentissage. Comme on l'a appris dans les trois principes fondamentaux, hein, apprendre, mettre en application et faire da'wah vers ce qu'on a appris, ce qu'on a mis en application. Hein. La parole de notre messager alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ddin. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien, il le verse dans la science de la religion, il lui donne la compréhension de la religion, prouve. Quand Allah ouvre la porte de l'apprentissage ou de la compréhension de la religion à quelqu'un, ceci est un signe du bien. Médite ce qu'a dit notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, quand le musulman voit qu'il est attiré par la science du livre d'Allah, et par la sunna du messager, alayhi salatu wassalam, et par l'étude de la sunna du messager, alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension du pied prédisseur d'Allah, alayhi, qu'il loue Allah, azza wa jal. Qu'il soit reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette noble grâce avec laquelle il l'a comblé. Et quand le soumis est content, la joie l'habite, et il est content quand il entend qu'il va y avoir une assise de science, il se prépare pour y assister. Et quand on lui cite un bon livre, il cherche à l'acquérir, et à lire, et à le comprendre, ceci aussi est un signe Hein? De bien, comme on dit les hommes de science. Et comme on dit les hommes de science, et l'opposé de cela, quand l'individu ne donne pas l'importance à la science, et il est gêné dans les assises de science, il déteste les assises de science, et il a de la gêne dans son cœur pour ces assises de science, et son nefs n'est pas, et son âme n'est pas attirée par l'apprentissage et la compréhension de la religion, ceci est un signe comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a abandonné ce serviteur à lui-même, a abandonné ce serviteur à lui-même et à son shaitan. Et ceci n'est pas un signe du bien. Le fiqh vid-din englobe toute la religion, les croyances et les lois de la législation d'Allah. Car certains croient que le fiqh, c'est seulement les lois. Regardez ce terme qu'ont donné certains nobles hommes de science à leur livre, Al-Fiqh al-Akbar. Pourtant, c'est un livre qui concerne la aqida, les croyances. Donc en priorité, dans le fiqh, rentre la science de la aqida. Et nous devons méditer le hadith de Jibril, alayhi salatu salam, sur lequel les hommes de science ont attiré l'attention sur les leçons qu'il y a, et parmi les leçons, regarde. Dans ce hadith de Jibril, après que Jibril a interrogé le messager, alayhi salatu salam, sur l'iman, sur l'ihsan, sur les conditions de l'heure, le messager, une fois que Jibril est parti, a dit, c'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Donc la religion, c'est l'islam avec ses œuvres, la foi avec les croyances qui en découlent, l'ihsan par la perfection des adorations avec lesquelles le soumis se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et avec tout cela, on ne doit pas oublier que c'est Allah qui donne la réussite et qui ouvre les chemins vers la réussite, vers toute forme de réussite. Toutes les situations sont entre les mains d'Allah. Toutes les situations sont soumises à Allah. Donc nous avons besoin constamment d'implorer Allah pour la science et pour tout ce que nous avons besoin. Un de nos pieux prédécesseurs disait, Rahimahullah, j'ai médité les portes du bien et j'ai vu qu'elles sont nombreuses. La prière est un bien, le jeûne est un bien, la charité est un bien, le pèlerinage est un bien, la umra est un bien, ordonner le bien et blâmer le mal est un bien, hein, et ainsi de suite, faire da'wa ila Allah est un bien. Hein? Demander la science est un bien. Il y a beaucoup de formes de bien. Et j'ai vu que tout ça est entre les mains d'Allah. Et j'ai vu que tout ça est entre les mains d'Allah. Et j'ai eu la certitude que la clé de tous les biens, c'est du'a. La clé de tout le bien, c'est du'a. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris dans le hadith authentique, du'a huwa al-ibada. Du'a, c'est l'adoration. Et l'un des piliers de la prière, c'est un dua que nous faisons dans notre prière. Guide-nous sur la voie droite. Hein? La voie de ce que tu as accompli de tes bienfaits. C'est pour ça qu'il est de notre devoir, frère en Allah, Azza wa Jal, d'insister dans le dua et de ne pas se lasser à faire des dua. Et surtout, d'insister à demander à Allah de nous combler de la science bénéfique. Et tous on sait, et tous, inshallah, on sait et on met en pratique cette sunna de notre messager, alayhi salam, après l'obligation du fajr. Allahumma, inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Oh Allah, je te demande une science bénéfique, et une bonne œuvre, une bonne subsistance, et une œuvre acceptée. Il y a dans ce hadith, comme on dit les savants, Hafidahumullah wa rahimallahu al-amwat, les trois buts du soumis à Allah Azza wa Jal. Et le prophète, alayhi salatu salam, a commencé ces trois buts avec la science bénéfique. Cela prouve que c'est la priorité des priorités dans la vie du soumis à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est avec ça qu'il connaît Allah. C'est avec ça qu'il va savoir comment adorer Allah. C'est avec ça qu'il va savoir la subsistance qui est halal, qui ne l'est pas. Donc c'est une grande perte si une journée passe et qu'on n'a pas appris quelque chose de notre religion. Et sœurs, on Allah subhanahu wa ta'ala, et j'insiste là-dessus, que ce confinement soit un butin pour nous, pour apprendre ce que nous n'avons pas pu faire auparavant. Et de maîtriser, et de faire en sorte de s'atteler à maîtriser les obligations individuelles de tout un chacun de nous durant ces 24 heures. Ce hadith, Man yuridillahu bihi khayran, nous enseigne l'importance de faire confiance à Allah et de chercher son aide. Comme il a dit alayhi salatu salam dans le hadith authentique, احرص على ما ينفعك واستعين بالله. Tiens, il a dit alayhi salatu salam, tiens à ce qui va t'être bénéfique et cherche l'aide auprès d'Allah. Et il a dit aussi à Mu'ad, ya Mu'ad, inni la uhibbuk, la tada'anna dhubura kulli salatin an taqul, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il a enseigné à Mu'ad et aussi à toute la communauté, il a dit à Mu'ad, ô Mu'ad, je t'aime, ne délaisse pas à la fin de chaque prière de dire, ô Allah, aide-moi à t'invoquer et à t'être reconnaissant et à bien t'adorer et à bien perfectionner ton adoration. Il n'a pas dit tout simplement à t'adorer. Il a dit à bien perfectionner, ahsan, hein, husni ibadatik. Et là, les hommes de science disent sur ce terme, ah, comme quoi, la ibada qui est perfectionnée, c'est celle qui est accomplie dans la sincérité et dans le suivi. Comme il est dit dans le verset, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour vous y prouver qui va faire la bonne épreuve, quand on posa la question à Al-Fudhayl ibn Iyad, c'est quoi la bonne épreuve, la bonne œuvre plutôt, pour vous y prouver qui va faire la bonne œuvre, on lui pose la question, c'est quoi la bonne œuvre? Il a dit, rahimahullah, c'est l'œuvre qui est dans la sincérité et dans le suivi du messager, alayhi salatu salam. Car s'il est sincère pour Allah, il n'est pas accepté. Et s'il est dans le suivi, il n'est pas accepté. Et il doit être pour qu'il soit accepté chez Allah, hein, dans la sincérité et dans le suivi. Tout soumis à Allah. Et celui qui apprend la religion a besoin de l'aide d'Allah pour l'apprentissage et pour la mise en application de ce qu'il a appris. Il a besoin d'Allah pour le raffermir sur la demande de la science et de sa mise en application. Il a besoin d'Allah pour le protéger des moyens et des choses qui détournent du bien. Et ils sont nombreux dans notre monde actuel. Dans toutes les situations, sont entre les mains d'Allah. Ce qu'il veut, il sera, et ce qu'il ne veut pas, n'aura pas lieu. Les bienfaits et les grâces sont à Allah. La réussite, c'est Allah qui la donne. قال عز وجل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Et il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ma réussite ne dépend que d'Allah, et en lui je place ma confiance et vers lui je reviens repentant. Et ceci est un point essentiel dans la croyance, hein, que toutes les situations sont entre les mains d'Allah. Tu n'auras aucune science et aucun bien si Allah ne te comble pas avec. Et il est dit dans le verset, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. La traduction approximative du sens du verset, il t'a enseigné ce que tu ne sais pas. Et la grâce d'Allah est immense pour toi. Obligé, frère en Allah, Azza wa Jalla, sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, que ces significations soient toujours présentes dans notre esprit. Durant ces assises avec lesquelles Allah nous a comblés, nous allons avec l'aide d'Allah nous instruire sur les mérites du mois de Sha'ban. Nous allons avoir ce qui est permis de faire durant ce mois et ce qui n'est pas permis. Et aussi nous allons parler des innovations et des histoires à dormir debout concernant ce mois. Et nous allons parler aussi des influences néfastes que cela des influences néfastes des innovations, hein, les influences néfastes des innovations dans la vie du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela, comme tout ce que j'entreprends, n'est qu'une compilation et adaptation et traduction de ce que les savants ont dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur octroie le Firdaus al-A'la et qu'il comble de sa sainte miséricorde les morts et qu'il arrange la vie des vivants dans son obéissance et ceux qui sont malades parmi eux qu'il les guérisse, qu'il allonge leur vie dans son obéissance. Le mois du Sha'ban, frère en Allah Azza wa Jal, c'est le 8e mois de l'année lunaire. Il y a une grande divergence chez les historiens concernant l'appellation de ce mois. Mais ils sont tous d'accord que le terme Sha'ban dérive de Tasha'ub, qui est le fait de se disperser. Une certaine interprétation nous dit que les Arabes se dispersaient durant ce mois à la recherche des sources entre les montagnes, hein, dans les ouvertures et les chemins qu'il y a entre les montagnes en hauteur, dans Shu'ab al-Jibal. Une autre interprétation nous dit qu'ils se déplaçaient pour les batailles après les mois sacrés, car durant les mois sacrés, les batailles et le pillage étaient interdits. Donc pendant le mois du Sha'ban, hein, selon cette interprétation, ils se dispersaient pour la bataille et le pillage et ainsi de suite. Tout ceci, bien sûr, à l'époque de la période pré-islamique. Une autre signification dit qu'ils se dispersaient pour chercher les dons des rois. D'autres disent, il a été appelé ainsi Sha'ban, parce que il est au milieu de deux mois. Rajab, qui fait partie du mois sacré, et Ramadan. Donc il a été appelé Sha'ban parce qu'il sépare les deux mois. Le mois de Ramadan et le mois de Rajab, le mois de Rajab est un mois qui fait partie des quatre mois sacrés. Ibn Hajar, rahimahullah, explique Al-Shu'ab, la racine de Sha'ban, par l'union, et que la cause de l'appellation de Sha'ban par ce nom, c'est qu'il réunit beaucoup de biens pour se préparer pour le mois de Ramadan. Il réunit beaucoup de biens pour se préparer pour le mois de Ramadan. C'est pour ça qu'il a été appelé Sha'ban. Donc ça, ce sont les différentes définitions qui ont été données à ce terme Sha'ban. Le mois, il est rappelé dans les annales de l'histoire que ce nom a été donné à ce mois au long 412 de l'ère grégorienne, de l'ère chrétienne, durant la vie du cinquième grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a Ibn Murra, car les Arabes avaient l'habitude d'appeler les mois par les plus importants événements qui s'y déroulent. Comme c'est le cas pour le deuxième mois, pour les deux mois, Jumada 1er, Jumada dernier et Jumada 2, qui ont été appelés ainsi car les eaux ont gelé à l'époque de leur nomination par ces noms. Donc ça vient de Jumada, gelé. Et donc ces deux mois ont été nommés par ce terme Jumada 1er, Jumada dernier, parce qu'à l'époque de leur nomination, ils étaient, hein, il y avait l'eau qui a gelé alors à cette époque de leur nomination. Donc les savants disent concernant ce mois de Sha'ban que ce mois de Sha'ban qui précède le mois de Ramadan, ce mois de Sha'ban est comme une préparation pour le mois de Ramadan. Le messager alayhi salatu wassalam jeûnait durant ce mois. C'est pour cela que notre mère Aïcha radiyallahu anha a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان متفق عليه. Notre mère Aïcha, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, dit: le messager d'Allah jeûnait si souvent que nous pensions qu'il ne rompait pas le jeûne. Il rompait le jeûne si longtemps que nous pensions qu'il ne jeûnait pas. Et je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner un mois complet sauf le mois de Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner plus souvent qu'au cours du mois de Sha'ban. Voyez, c'est un butin qu'il ne faut pas laisser passer. On est sans son occupation à l'intérieur de chez soi. On peut accomplir son jeûne tranquille, qu'on profite de ce butin. Et combien on sait que les joies et les choses avec lesquelles est comblé le jeûneur, son doua est exaucé au moment de la rupture du jeûne. Et il a la joie de rompre son jeûne. Et il a la joie que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité l'accomplissement de cette noble adoration. Et il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala s'est préservé les récompenses du jeûne. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أم سلمة nous dit dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari, par Abu Daoud, Nasa'i, Ibn Majah, je n'ai pas vu le prophète jeûner deux mois successifs sauf Shaban et Ramadan. Selon Abu Salama, qui attribue la parole à Aïcha radiyallahu anha, qui a dit, Aïcha a dit, ma ra'aytu an-nabiyya fi shahrin aktara siyaman minhu fi Shaban. كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. صحيح رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. Et selon cette parole de Aïcha radiyallahu anha rapportée dans l'authentique de Tirmidhi et il est authentifié par Cheikh Nasr dit l'Albani dans l'authentique de ibn Majah. Et radiyallahu anha wa ardaha a dit je n'ai pas vu le prophète jeûner beaucoup que durant le mois de Sha'ban. Il le jeûnait presque en entier, mais il le jeûnait en entier. Et ce hadith dit l'imam al-Albani rahmatullah alayh ne fait comprendre la parole de Aïcha. Quelle parole de Aïcha? Qui dit le messager d'Allah jeûnait si souvent que nous pensions qu'il ne rompait pas le jeûne, et rompait le jeûne si longtemps que nous pensions qu'il ne jeûnait pas. Je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner un mois complet sauf le mois de Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner plus souvent qu'au cours du mois de Sha'ban. Ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam dans son jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble de sa sainte miséricorde l'imam al-Albani rahmatullah alayh. Selon Abdullah ibn Abi Qais, qui a dit qu'il a entendu Aïcha dire radiyallahu anha kana habbu ash-shuhuri ila rasulillah an yasumahu sha'ban thumma yasiluhu bi ramadan. صحيح صحيح أبو داود النسائي بن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. Donc selon cette parole de Aïcha qui est authentifiée par Cheikh Nasr al-Albani dans l'authentique de Abu Daoud et il est aussi chez Nasa'i et chez Ibn Majah, Aïcha a dit que le messager aimait le plus jeûner était le mois du Sha'ban. Et il le suivait au mois de Ramadan. Fa'on Allah subhanahu wa ta'ala, la parole prépondérante chez les savants parmi eux, Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres, c'est que le messager ne jeûnait pas le mois de Shaban complètement. Mais il jeûnait une grande partie de ce mois. Et l'argument pour cela est l'authentique, et dans l'authentique du muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, qui a dit « Ma alimtuhu ta'ni al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam sama shahran kullahu illa Ramadan » Leur argument, c'est cette parole très forte de la Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, qui a dit « Je n'ai pas eu connaissance que le messager a jeûné un mois complet à part le mois de Ramadan. » La parole, elle est claire. « Je n'ai pas eu connaissance qu'il a jeûné un mois complet à part Ramadan. » Et dans une autre version, « Je ne l'ai pas vu jeûner un mois complet depuis qu'il est arrivé à Médine. » قالت ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة. Et dans une autre version, je ne l'ai pas vu jeûner un mois complet depuis qu'il est arrivé à Médine, sauf Ramadan, rapporté par l'imam muslim. Et dans les authentiques, selon Abdullah ibn Abbas, qui a dit ما صام رسول الله شهرا كاملا غير رمضان. Il est متفق عليه. Abdullah ibn Abbas a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le messager alayhi salatu wassalam n'a jamais jeûné un mois complet à part le mois de Ramadan. Ibn Rajab rahimahullah a cité dans la Ta'if ou le Ma'arif, selon Ata, qu'Abdullah ibn Abbas interdisait le jeûne du mois complet, le jeûne du mois complet du mois de Shaban. Il disait que la personne jeûne, le jeûne sauf quelques jours. Donc il interdisait aux gens de jeûner le mois de Shaban complet, radiyallahu anhu wa arda. Kana ibn Abbas yanha an siyami al-shahr kamilan, yaqul yasumhu illa ayyaman. Donc Abdullah ibn Abbas interdisait le fait de jeûner le mois de Shaban complet. Il disait que la personne le jeûne, sauf quelques jours, qu'il jeûne une grande partie. Waqala Ibn Hajar a dit, dans ce qui est rapporté dans la Ta'if al-Ma'arif d'Ibn Rajab, le jeûne du messager durant le mois de Ramadan, le mois de Shaban, était un jeûne surérogatoire. Et durant ce mois, il jeûnait plus que les autres mois. Il jeûnait plus que les autres mois. كان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه في ما سواه وكان يصوم معظم الشهر. Donc la parole d'Ibn Hajar, c'est que le messager alayhi salam jeûnait une grande, le jeûne du mois de Shaban était un jeûne surrogatoire, et que le messager alayhi salam jeûnait une grande partie de ce mois. Sanani dans Subul Salam a cité qu'Ibn Rajab rahimahullah disait وأما صيام النبي من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. Il disait rahimahullah Ibn Rajab, dans ce qui est rapporté par Sanani, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup durant le mois de Shaban, plus qu'il ne le faisait durant les autres mois de l'année. Ibn Rajab rahimahullah, dans la Ta'if al-Ma'arif, dit: jeûner durant le mois de Shaban, c'est mieux que de jeûner durant les mois sacrés. Jeûner durant le mois de Shaban, c'est mieux que de jeûner durant les mois sacrés. Et le meilleur surérogatoire au niveau du jeûne, c'est celui qui est avant et après le mois de Ramadan, c'est-à-dire celui de Shaban et celui des 6 jours du Shawwal. Il dit sa place au niveau des jeûnes, c'est comme la place au niveau des prières surérogatoires qui s'accomplissent avant et après les prières obligatoires. Et c'est un complément aux lacunes qu'il peut y avoir dans les obligations. Il en est de même pour le jeûne, avant et après le mois de Ramadan. Les surérogatoires qu'on appelle rawatib sont mieux que les prières surérogatoires absolues au niveau des prières. Il en est de même pour le jeûne avant et après le mois de Ramadan. Fin de citation des paroles de